avait les yeux clairs, la robe en velours. Elle avait les yeux clairs, la robe en velours. Ça c'est en là. Les yeux clairs, la robe en velours. Côté de sa mère et la famille autour. Pose un peu distraite du soleil. C'est en combien de mesures, tant ça c'est. Je fais mon petit soirée karaoké là. Drum. Thank you. très bonne note. Thank you.